Bonjour à toutes et tous, vous nous écoutez sur Radioactive, sur le 94.7 et le 93. Bienvenue dans le MAG. Aujourd'hui, dans cette édition, on va parler d'un sujet essentiel, l'eau. Ressources précieuses, enjeux écologiques, défis mondiaux, mais aussi cause solidaire. Et c'est justement dans ce cadre que le Lions Club d'Amboise organise une conférence caritative pour sensibiliser et agir. Pour nous en parler, nous avons tendu le micro à son président Patrick Deschamps qui va nous expliquer les objectifs de cet événement, les intervenants attendus et surtout comment chacun peut contribuer à cette belle initiative. Restez avec nous, c'est maintenant dans le MAG. Patrick Deschamps, bonjour, vous êtes président du Lions Club. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, avant toute chose, un petit peu l'objectif du Lions Club, qu'est-ce que c'est ? Oui, bonjour Marlène, merci pour votre accueil. Le Lions Club, c'est une association caritative qui regroupe dans le monde 49 000 clubs, plus d'1 500 000 personnes sur 200 pays. On a un siège également à la permanence de l'ONU. Le Lions Club en France représente 2000 clubs. Nos actions sont sur l'environnement, le cancer de l'enfant, le diabète, la vue, notamment nos principales actions. Donc là, prochainement, c'est l'environnement qui va être l'événement. Donc là, prochainement, l'événement que vous allez mettre en avant va concerner l'environnement. C'est une conférence sur l'eau. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Ce sera le 28 mars. Quel est le programme ? Alors, cette conférence sur l'eau, effectivement, est associée à l'environnement et à notre ligne directrice au niveau international qui s'appelle Génération Mère. C'est-à-dire qu'on va parler du circuit, du grand cycle de l'eau, à partir des gouttelettes au niveau de l'océan jusqu'à chez nous. Ensuite, on aura une intervention d'un conseiller communautaire qui va nous expliquer, quand on ouvre le robinet, jusqu'où ça va à l'égout, comment ça se passe. Cette conférence n'a pas été mise en place par hasard. C'est au niveau de la Journée mondiale de l'eau qui a lieu le 22 mars et la Journée mondiale de l'autisme qui a lieu le 2 avril. Parce que à chaque fois que nous réalisons une conférence, les bénéfices récoltés sont donnés directement à une association. Et comme sur notre territoire d'Amboise, nous avons le privilège d'avoir Christophe Villemain, qui est le président de l'association Une musique, un sourire, de créer cette école pour l'autisme. Nous avons donc décidé de lui remettre les bénéfices pour cette école, pour cette action. Christophe, qu'on salue, qui est un habitué de Radioactive, qu'on retrouve notamment chaque année sur Moon en fait. Alors, cette conférence sur l'eau, Patrick, elle va être animée, vous l'avez évoqué en quelques lignes, mais par Sophie Oconi, qui est gouverneur mondial de l'eau. Et le conseiller communautaire dont vous faisiez référence, c'est Luc Favia. Donc chacun va apporter son éclairage. Oui, c'est cela. Sophie Oconi, qui a été gouverneure mondiale de l'eau en 2012 et réélue en 2015, qui est également coprésidente du Cercle de l'eau français, donc va nous expliquer tous les enjeux de l'eau. Parce que sans l'eau, il n'y a pas de vie sur Terre. Et Luc Favia, lui, va intervenir sur le petit cycle de l'eau, c'est-à-dire à partir de notre usage ménager. Cette conférence, elle aura lieu à partir de 18h30, en tout cas ouverture des portes à la salle Francis Poulenc pour une conférence qui démarrera à 19h. Est-ce qu'il est prévu quelque chose à grignoter par la suite ? Oui, tout à fait. Donc ouverture des portes 18h30, il y a lieu de s'inscrire avant cette conférence. Il y a quelque chose à grignoter, ce sera un buffet dînatoire qui va être servi par les membres du Lions du département d'Indre-et-Loire. Les membres du Lions cuisinent également alors ? Les membres du Lions font un peu tout, c'est-à-dire que notre devise c'est « We serve ». Donc nous sommes là à toutes les tâches pour aider. Très bien, donc comment on fait pour s'inscrire et combien il nous en coûtera ? Pour s'inscrire, c'est très simple. Il suffit d'aller soit sur l'application HelloAsso, soit tout simplement dans la barre de votre navigateur, taper « Conférence sur l'eau ». Lions Club Amboise, et vous avez directement le lien pour vous inscrire. Il en coûtera pour les personnes 20 euros, parce que ça comprend le buffet dînatoire. Et pour les jeunes donc de moins de 20 ans et étudiants, c'est moitié prix, 10 euros. On espère qu'avec ces tarifs attractifs, que beaucoup de personnes vont pouvoir venir. Et d'autre part, l'enjeu est de faire un chèque à M. Villemain pour son association. Une musique, un sourire, dont l'objectif est l'ouverture d'une école inclusive sur la commune de Mône. Donc rappelons, le vendredi 28 mars, à la salle Francis Poulenc à Amboise, une conférence sur l'eau organisée par le Lions Club. Merci Patrick Deschamps. Merci beaucoup Marlène pour votre aide et pour la communication sur cet événement.